troisième temps de notre série sur l'histoire du sable. Aujourd'hui, le débat sur les révolutions du verre. Y a-t-il eu des révolutions du verre ou bien le verre a-t-il été, depuis l'Antiquité, toujours un peu semblable? C'est ce que nous verrons avec nos invités ce matin. Lundi, nous nous sommes intéressés au sable des plages que l'on fait couler dans nos doigts en été. Hier, mardi, nous avons traversé le Sahara en tentant de rejoindre des oasis. Et demain, le documentaire de Franck Thorabal et d'Anne Fleury nous racontera la réinvention du béton au 19e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à la métamorphose du sable en une matière fragile et translucide, le verre. Nous en parlerons en compagnie de Sophie Lagabriel. Elle est conservateur générale au musée de Cluny à Paris, commissaire de l'exposition « Le verre, un Moyen-Âge inventif » et président de l'association Verre et Histoire. Stéphane Palaud, qui est aussi membre de cette association Verre et Histoire, est docteur en histoire, président de l'AMAVERRE, une association qui a pour but de médiatiser le verre à toutes les époques et sous toutes ses formes. Et Yves-Marie Adrien sera avec nous au téléphone. Il est archéologue à l'INRAP, céramologue et spécialiste du monde romain. Bonjour Sophie Lagabriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous Stéphane Palaud. Bonjour. Et bonjour à vous Yves-Marie Adrien, vous êtes au téléphone avec nous et vous êtes archéologue à l'INRA, spécialiste de ce monde romain dont on va commencer à parler avec vous. Que peut-on dire justement de ce bassin méditerranéen qui voit se développer l'usage du verre, sous quelle forme et de quelle manière? Y a-t-il là un bassin d'invention, pourrait-on dire, pour cette nouvelle matière à partir du sable? Complètement, complètement. Le verre connaît des évolutions progressives, mais très anciennes, hein, puisque son apparition est fixée à peu près à la Mésopotamie, plusieurs centaines d'années avant notre ère. Et il connaît successivement des développements liés notamment à sa fabrication, puisque l'on passe de fabrication de petits objets, notamment de perles d'ornement, à une fabrication d'outils, enfin d'accessoires, pardon, de plus en plus sophistiqués, notamment à la faveur de l'invention du soufflage au 3e ou 2e siècle avant notre ère. Et donc, effectivement, ce bassin méditerranéen est un endroit important pour raconter cette histoire du verre. Il faut peut-être aussi, Sophie Lagabriel, expliquer comment naît cette invention, comment elle se développe, à partir de quelle matière. On parle du sable, évidemment, dans toute cette semaine. C'est le sable la matière principale pour faire du verre? Voilà, le sable, mais le sable qui contient de la silice et qu'il faut donc faire fondre. Mais si on ne prend que du sable, à ce moment-là, il faut monter à des températures très très élevées, 1600 degrés. Alors on ajoute ce qu'on appelle des fondants pour accélérer la fusion. Et il va y avoir des recettes différentes. La recette romaine qui va prendre des cendres, d'abord du natron, hein, c'est-à-dire cette matière minérale qui se trouve des dépôts marins qui se trouvent au nord de l'Égypte. Mmh. Et puis on aura un verre qui sera sodique. Le Moyen-Âge n'aura pas cette matière-là. Il faudra évoluer. Oui, donc on a une base, pourrait-on dire, ce sable ou cette silice, Stéphane Palaud, mais évidemment, il y a tout un tas de recettes qui vont s'inventer au fur et à mesure autour de cette silice pour pouvoir faire du verre qui seront de nature plus ou moins différentes. C'était relativement simple, en fait. Soit on prend du carbonate de soude, en fait, soit on prend du carbonate de potasse. Alors le carbonate de soude, de Sophie Lagabriel disait le natron, effectivement, c'est de la soude, hein, ni plus ni moins. Et puis, quand on n'a plus accès à cette soude, on va devoir utiliser le carbonate de potasse qui se trouve dans les cendres de bois. Enfin, les cendres de végétaux, on va dire, en général. Et puis, par la suite, dans ces cendres de végétaux marins, on va retrouver du carbonate de soude, en fait. Alors là, je vous suis mal, parce que moi, j'ai pas fait d'études scientifiques. Alors, il faut nous expliquer. Alors, un peu tout ça. Simplement, c'est parce qu'en fait, dans la cendre de bois, on a de la potasse, effectivement. Et par la suite, par exemple, à Venise, on va utiliser de la soude issue de plantes marines, par exemple la Barilla, qui contient une forte proportion de soude, puisqu'elle, c'est une plante marine, ni plus ni moins. Et quand on la brûle, on obtient du carbonate de soude de très bonne qualité. Donc, c'est un fondant. Rien à voir avec le natron, qui est d'une autre origine, mais sinon le carbonate de soude sera réutilisé et par la suite, mais là on rompt avec la période qu'on veut voir, on va prendre de la soude d'origine industrielle, c'est toujours du sel marin, mais qui est transformé chimiquement pour obtenir le carbonate de soude. Et ce verre, vous le découvrez dans les fouilles archéologiques que vous menez parfois, Yves-Marie Adrian, c'est un verre qui est de quelle nature ? Il est translucide, transparent, il est plutôt de couleur verdâtre, est-ce qu'il a différentes qualités qui le font varier d'un endroit à l'autre de l'Empire romain, Yves-Marie Adrian ? Effectivement, il est assez varié, mais dans un premier temps, je dirais que il est quand même majoritairement bleu, bleuté, la couleur étant plus ou moins prononcée en fonction de l'épaisseur de l'objet qui a été réalisé. Nous avons l'habitude, effectivement, de le trouver. On le trouve pas en grande quantité, mais on le trouve régulièrement. Donc ça fait longtemps que les archéologues se sont habitués, si je peux dire, à cette découverte du verre parmi d'autres matériaux, parmi d'autres objets, parmi d'autres restes lors des fouilles archéologiques, aussi bien sur les sites d'habitat, mais aussi dans les tombes, puisque le verre, à partir de l'époque romaine en particulier, du début de l'époque romaine, fait partie du rituel funéraire, au même titre, en même temps, que d'autres objets comme la céramique. Et d'ailleurs, vous êtes céramologue, par ailleurs, et Marie-Adrian, est-ce qu'on arrive à différencier les usages, justement, du verre par rapport à la céramique ? Ce sont des contenants, souvent, qui peuvent avoir à peu près les mêmes fonctions, et pourtant, on utilise les uns et les autres de manière différente. Est-ce que on arrive à comprendre pourquoi on utilise le verre à la place d'une céramique, par exemple ? Tout à fait. En fait, la céramique et le verre entretiennent une relation étroite mais complémentaire. La céramique va fournir certains vases, notamment pour la préparation culinaire, mais aussi pour la consommation alimentaire. Tandis que dans le même temps, le verre va surtout servir à conditionner, à stocker et à transporter des denrées et d'autres matériaux. Je pense aux cosmétiques, je pense aussi à certains produits pharmaceutiques. Donc, les deux matériaux vont avoir des rôles différents, mais toutefois, ces rôles vont évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'entre le début de la période romaine et la fin de l'Antiquité, donc au 5e siècle de notre ère, le verre ne va pas tenir la même place, à la fois du point de vue fonctionnel, mais aussi du point de vue quantitatif. C'est-à-dire que globalement, il connaît un développement pratiquement continu entre le 1er siècle et le 5e siècle de notre ère. Il faut peut-être dire aussi, Stéphane Palot, de l'importance qu'a l'est du bassin méditerranéen, cette Syrie-Palestine dont on dit qu'il y a là une sorte d'endroit où on a développé en grande quantité les verreries qui se sont répandues dans le reste de l'Empire. Alors, se répandre dans le reste de l'Empire, je dirais, la côte syro-palestinienne est un endroit où effectivement on a quantité de verreries, parce qu'aussi on retrouve, on va dire entre guillemets, les gisements des blocs de natron, donc les gisements de ce qui va donner le verre. Ensuite, ces blocs, on le sait aujourd'hui grâce aux fouilles sous-marines et ce qu'on a retrouvé par ailleurs, on sait que ces blocs circulent et que ces blocs arrivent dans le port de Marseille par exemple, puis le chemin habituel, et ces blocs sont refondus. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, on a besoin de moins d'énergie, parce qu'en fait, on ne fait que refondre un verre qui est presque déjà fondu. C'est ça, on a une sorte de matière première qui est déjà presque prête, et ensuite on va l'affiner d'une certaine manière. Voilà, on va juste passer à l'affinage qui permet d'avoir un verre de qualité et qui demande beaucoup moins d'énergie. Parce qu'il faut considérer que quand on passe de la cendre avec mélange, enfin le carbonate sous forme de cendre avec du sable, on peut avoir besoin de parfois jusqu'à 48 heures de fusion. Donc c'est très gourmand en énergie bois, bien évidemment. Et donc, effectivement, il faut défricher beaucoup pour pouvoir avoir la matière suffisante pour pouvoir fabriquer ce verre, Sophie Lagabrielle. Oui, tout à fait. À l'époque romaine, on fabrique tout le verre est fabriqué au Moyen-Orient, il circule à travers la Méditerranée et il arrive, il n'a besoin que d'être refondu. Quand cette voie d'approvisionnement à la fin du Moyen-Âge et au début, au 6e, 8e siècle... À la fin de l'époque antique, vous voulez dire... La fin de l'époque antique, 6e, 8e siècle, excusez-moi, oui, absolument, va s'appauvrir parce que les Abbassides vont rendre la Méditerranée un peu plus difficile et moins sûre. À ce moment-là, il faut que les hommes du Moyen-Âge retrouvent une recette. Ils vont s'installer en forêt, ils ne vont plus prendre des cendres marines, ils vont prendre des cendres forestières. Et ils vont devoir être au plus près du combustible parce que c'est ce qui est, tout ce qui est pondéreux, le sable, le bois, il faut éviter de le transporter le plus loin possible. Donc les verreries, la spécificité des verreries du Moyen-Âge, c'est qu'elles sont installées au cœur des forêts. Et ça durera jusqu'à la Révolution, oui, jusqu'à l'invention du charbon. Et cela, c'est effectivement une grande difficulté. Cet empire romain que vous connaissez bien, Yves-Marie Adrien, dont vous êtes un spécialiste en tant qu'archéologue, voit aussi des inventions dont moi j'ai découvert qu'elles avaient eu lieu à ce moment-là, alors que je pensais qu'elles étaient beaucoup plus tardive. Les Romains mettent des vitres à leurs fenêtres, c'est cela ? Complètement. Ils développent la technique du verre plat, mais aussi du verre incurvé pour éclairer leurs édifices, les édifices publics, bien évidemment, mais aussi les édifices privés. Et il n'est pas rare de trouver en fouille, y compris au fin fond de la Gaule du Nord, des fragments de ces verres à vitre qui sont très caractéristiques à la fois par leur forme plate, mais aussi par leur couleur, par leur épaisseur. Donc il n'y a aucune confusion possible pour la présence de ces verres à vitre qui ont été fabriqués de façon assez significative tout au long de la première partie du Haut Empire, hein, donc la première partie de l'Antiquité romaine, entre le 1er et le 3e siècle, et qui disparaissent quasiment complètement entre le 4e et le 5e siècle. On trouve encore quelques traces de ces vitres, mais elles sont devenues différentes et surtout beaucoup plus rares. Oui, Sophie Lagabriel. Oui, les vitres au Moyen-Âge, on les connaît. Elles ont une forme tout à fait différente de celle de l'époque romaine, qui sont des grandes dalles. À l'époque romaine, ce sont des grandes dalles carrées que l'on a dans des fenêtres. Au Moyen-Âge, il faut gérer la pénurie. Alors, on va découper des petits morceaux, on va les assembler avec du plomb et on va inventer le vitrail. On va le peindre sur le verre et on a donc un vitrage complètement différent à l'époque médiévale. Et il va falloir aussi passer à l'invention du vitrage et qui sera là aussi dans un premier temps en plomb et de façon très très sporadique et très limitée. On a inventé la fenêtre pas avant le XVIIe siècle, hein, la fenêtre que l'on connaît au XIXe siècle. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Sophie Lagabriel. Stéphane Palaud, d'une des raisons aussi pour laquelle on est un peu gêné pour savoir exactement quels sont les usages du verre, c'est que ce verre, il ne se conserve pas dans des dépôts, souvent comme c'est le cas pour la céramique. Lorsque un bol est cassé, eh bien on peut le mettre dans une sorte de dépôt qui va être retrouvé par les archéologues beaucoup plus tard. Beaucoup du verre est réutilisé et donc d'une certaine façon on a peu de traces de verre parce qu'il est constamment refondu, en l'occurrence même dans l'Antiquité. Stéphane Palaud. Alors il y a deux choses différentes dans ce que vous posez comme problème, c'est-à-dire qu'en fait déjà aujourd'hui lors des fouilles archéologiques, il faut savoir qu'ça fait pas très très longtemps qu'on a conscience qu'on doit récupérer tous les petits morceaux. On récupère tout en archéologie, c'est pas le problème, mais retraiter des petits morceaux pour savoir que c'était une vitre, il faut savoir quand même que là on est dans une période de 20 ans où on s'est dit tiens, on va découvrir, on va se mettre sur les objets. Maintenant, pour le recyclage, effectivement, on sait que le verre se recycle depuis qu'il existe. On n'a pas ce problème de composition, puisqu'on a à peu près tous la même composition. Donc, on mélange harmonieusement tous les morceaux qu'on retrouve, sauf qu'on n'aura pas le coloris blanc. Si vous mélangez, il faut savoir que le verre se colore avec la présence d'un oxyde métallique. Le plus répandu, c'est la rouille, l'oxyde de fer, si je devais abréger, bien évidemment. Et donc, ça vous donne une coloration verte. Donc, si vous mettez un petit morceau de verre dans une grosse quantité de blanc, ça vous fera du vert. Voilà. Et donc, mais néanmoins, on peut refondre et on peut redémarrer une production à partir de morceaux anciens, ce qui explique peut-être la pénurie qu'on peut Alors, avoir parfois. On sait, par exemple, que, on va dire à la charnière, on va dire au 5e, 6e siècle, on a des endroits où on sait pertinemment que d'anciens palais romains sont, d'anciennes grandes demeures romaines, les mosaïques sont démontées, c'est du verre, hein, c'est de la tesselle de verre, c'est démonté, ça part dans le circuit et c'est refondu. Mmh. Donc après, ça pose le problème de savoir d'où vient le verre, de quand date-t-il. Parce que si c'est un verre égyptien qui a été refondu au 4e siècle ou 5e siècle... Oui, Sophie Lagabrienne. Oui, le verre recyclé permet d'accélérer la fonte, donc on va l'utiliser le plus souvent possible et de façon générale, on refond du verre au début de l'époque médiévale pour justement faciliter cette cuisson. Et on va le voir au niveau chimique aujourd'hui, on peut le percevoir. Yves-Marie Adrien, c'est peut-être aussi le grand développement de l'archéologie préventive qui permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur une matière fragile comme celle-ci et d'en découvrir peut-être là où on n'en découvrait pas auparavant. Oui, c'est ça. L'approche relativement méthodique de l'archéologie préventive permet d'apporter un regard attentif, plus attentif, sur tous ces petits fragments qui pouvaient paraître au premier abord insignifiants, peu parlants, mal datés. Et on a, à force d'études, d'expertises multiples, de données stratigraphiques, chronologiques, on commence à percevoir les grandes caractéristiques, les grandes évolutions de ce verre romain en Gaule. Et surtout, on met de plus en plus en évidence les grandes disparités régionales. Il ne faudrait pas comparer la Gaule du Nord à la Gaule du Sud, etc. Il y a toutes sortes de spécificités, à la fois du point de vue quantitatif, mais aussi du point de vue décoratif. Les formes ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, les décors ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas aussi répandus dans l'espace et dans le temps. Merci beaucoup Yves-Marie Adrien d'être resté avec nous au téléphone pour évoquer ce verre dans l'Empire romain dont vous êtes un spécialiste. On reste avec nos deux autres invités pour discuter de la période médiévale et de la période moderne dont ils sont eux-mêmes des spécialistes. Et en attendant, on va écouter un orgue de verre de Bruno Hoffmann. Il s'agit d'une harpe de verre au début du XXe siècle. Eh bien, on développait justement ce type de technique pour pouvoir faire une musique différente. Scherzo pour harpe de verre de Bruno Hoffmann, daté de 1935 et interprété ici par Ingeborg Emge. Nous sommes avec nos deux invités qui restent avec nous, qui sont spécialistes l'une du Moyen-Âge et l'autre du Moyen-Âge et de l'époque moderne, à savoir Sophie Lagabrielle et Stéphane Palaud. Alors tout de même, il faut expliquer à nos auditeurs que après ce grand moment de l'Empire romain, de ce développement de cette verrerie telle qu'elle s'est propagée tout autour du bassin méditerranéen, il y a tout de même un moment un peu difficile, Sophie Lagabrielle, un moment du début de ce qu'on appelle couramment le Moyen-Âge, qui est peut-être plus difficile pour le développement de ces techniques. Oui, effectivement. Et puis, il y a une période un peu troublante, c'est qu'à la période mérovingienne, on a l'impression de trouver beaucoup de verre, d'avoir des vitrages, d'avoir des objets trouvés dans des tombes. Et on se dit que les objets de verre sont généralisés au Moyen-Âge. Et la période suivante, qui est celle de l'époque carolingienne, le verre va complètement devoir être réinventé par les hommes du Moyen-Âge. Et pourquoi ? Comment comprend-on ça, justement ? Voilà. La poursuite des techniques de l'Empire romain sous les Mérovingiens, et puis c'est une sorte de rupture technique qui se passe ensuite. Voilà, le verre se faisait en deux temps. Un premier temps, dans la région du Moyen-Orient, on parle du verre primaire, et un deuxième temps, dans le continent, une fois qu'il arrivait brut et que l'on refondait. À partir du moment où cette voie était tarie, Eh bien, il faut retrouver une composition, retrouver une recette et repartir de zéro. Et ça, c'est la période carolingienne. Alors, on va prendre désormais des cendres de bois ou de fougères. On va parler de verre de fougère. On va avoir un verre qui va s'altérer beaucoup plus et qui se conservera beaucoup moins dans le temps. Et de ce fait, on aura très peu de vestiges aussi. Il est rare et il y a peu de vestiges. Et il va falloir, tout au cours du Moyen-Âge, retrouver des pratiques qui avaient été développées à un niveau quasi industriel à l'époque antique. Oui, Stéphane Palaud, c'est très étrange. On ne sait pas qui sont ces personnes parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de documentation pour l'époque carolingienne, mais qui vont tâtonner, d'après ce que l'on croit savoir et quand on écoute Sophie Lagabriel, pour pouvoir justement trouver de nouvelles techniques et parer à l'arrêt de ce flux qui venait du Moyen-Orient. Et tout le problème, même jusqu'au XVIIIe siècle, soit on sait maîtriser sa composition, soit on ne la maîtrise pas. Le problème n'est pas ensuite de dire je sais souffler l'objet, il faut absolument que le verrier soit capable de fabriquer une composition qui dure dans le temps. Si vous fabriquez un objet dont une fois qu'il est achevé, il se dissout sous les éléments, l'eau par exemple, choses comme ça, c'est absolument impossible de dire je vais mettre ça dans le circuit de fabrication. Donc il se réinvente effectivement, comme dit Sophie Lagabriel, ça reste toujours du verre, travaillé par des artisans verriers d'une très grande technicité, puisque ce travail s'apprend uniquement, il n'y a pas d'école, un atelier on regarde les plus anciens travailler, mais justement on a besoin de dire comment on va faire puisqu'on n'a plus les mêmes moyens. C'est tout le problème, c'est on n'a plus les mêmes moyens, mais on doit continuer. Quand vous dites on n'a plus les mêmes moyens, on a vraiment l'impression d'un courage de la pauvreté, pourrait-on dire, à ce moment-là. Alors, un courage de la pauvreté, vous allez très loin, mais je veux dire, en fait, on n'a plus accès aux routes de commerce. On sait par exemple que du côté de Syro-Palestine, ça continue. On continue de fabriquer, etc. Mais nous, on n'y a plus accès. Donc, il faut bien se débrouiller autrement. Et se débrouiller autrement, c'est trouver des solutions, comme par exemple la cendre de fougère, comme l'a dit Sophie Lagabriel, la cendre de bois de hêtre, par exemple. Et on sait que ça se fond. Ça fond, ça permet... Vous savez, la potasse comme la soude permettent d'abaisser la température de fusion de la silice. Sinon, 1600 degrés, comme l'a dit, 1600 degrés, comme a dit Sophie Lagabriel, c'est difficile à obtenir avec un feu de bois. Mais effectivement, on réinvente parce qu'on doit trouver des solutions autres parce qu'on n'a plus les mêmes circuits. Mais les circuits à l'intérieur de redistribution, eux, fonctionnent. Et donc, on va trouver de nouvelles techniques, s'installer, comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie Lagabriel, au cœur des forêts, parce que c'est là où on va dépenser beaucoup de bois pour pouvoir faire un kilo de verre. J'ai cru comprendre en lisant Stéphane Palaud qu'il fallait environ 22 kilos de bois pour pouvoir ensuite fabriquer un kilo de verre un peu plus tard, à des périodes plus tardives. Mais en gros, c'est beaucoup de bois pour pouvoir obtenir un kilo de verre. Oui, une énorme fournaise, entretenue en plus, pour que la voûte du four réfléchisse bien cette chaleur. Donc, il faut minimum 48 heures pour lancer un four, par exemple. Et une fois qu'on l'a lancé, on ne va pas l'éteindre. Donc, on a plusieurs creusets. Dans chacun des creusets, on va avoir une couleur différente. Et de cette manière-là, on va pouvoir souffler des verres de formes différentes. Donc, il faut une vraie technicité, il faut la retrouver, effectivement. Et on va ensuite, comme vous disiez, gérer la pénurie. Et on va commencer par faire petit, pour petit à petit grossir au cours du Moyen-Âge les formes et les objets, et diversifier les objets. Stéphane Palaud, est-ce qu'il y a des spécialités qui se mettent en place progressivement dans ce cours du Moyen-Âge? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que telle région est plus spécialisée que telle autre? Est-ce que tout avance à peu près en même temps? Alors, on a des régions qui sont spécialisées par rapport à ce qu'on utilise dans la composition. On va retrouver des compositions avec de la potasse dans l'Est, etc. Mais des régions qui se spécialisent, oui, on connaît des régions qui se spécialisent, mais n'oubliez pas quand même que les verriers sont des gens qui vendent. S'ils vendent, ils sont réactifs au marché. Et en fait, avec la lecture des ouvrages du fin 19e, début 20e siècle, on a toujours cru qu'on était spécialisé dès le départ. Et en fait, on s'aperçoit avec les fouilles d'atelier qu'on fabrique tout ce qui est susceptible d'être vendu dans la zone de chalandise. On va pas dire, ah ben non, je ne fais pas. Alors bien sûr, on n'en a pas beaucoup. Par exemple, les bouteilles, on va dire à la fin du Moyen-Âge, on n'en a pas énormément, mais on en a quelques-unes parce qu'il n'y a pas de demande, c'est tout. Il y en a un petit peu, il n'y a pas vraiment de demande. Du verre à vitre, il y en a, mais suivant la demande, on ne va pas se mettre à fabriquer des choses dont on sait qu'on ne peut pas les vendre. D'autant qu'il faut les transporter, ces verreries que l'on fabrique, et transporter du verre dans un contexte de difficulté de transport en général, pourrait-on dire, dans ce Moyen-Âge. c'est complexe, on ne va pas très loin, j'imagine, quand on est dans une verrerie, on fabrique un four à verre, on est au milieu d'une forêt, on va peut-être le vendre dans un environnement relativement proche, mais on ne va pas l'emmener à l'autre bout du royaume, par exemple. Si l'on parle de verre creux, c'est très facile de fabriquer du verre creux parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière dans d'installations très importantes. Si on fabrique du verre plat, on va avoir des grands disques, il va falloir fournir des grands disques et à ce moment-là, on a besoin d'une technologie très différente et là, on s'aperçoit qu'il faut des forêts qui correspondent à cette demande et on sera plutôt dans le nord de la France. Le nord de la France, c'est spécialisé dans les verres plats. Celui qui va fournir les vitres, alors que le verre creux se trouve dans tout le royaume et très particulièrement dans le verre sud où il va briller à cause d'une matière qui sera une matière venant de la mer, donc plus limpide, un verre sodique comme on disait tout à l'heure. Et par contre, le verre peut voyager. Il voyage souvent dans de la paille, dans des paniers. Et on va reconnaître lorsqu'on va parler de paniers de verre qu'il y a à l'intérieur 12 plateaux de verre dans lesquels on va pouvoir découper les verres à vitres. Il vient aussi du Moyen-Orient. Vous savez que le roi, par exemple, Saint-Louis, buvait, nous dit son biographe Joinville, tous les matins, mouillait son vin dans un grand gobelet ramené de Terre Sainte. Donc ces verres... Ça, c'est après la croisade, c'est-à-dire à partir du moment où les Occidentaux retrouvent le chemin justement de l'Orient, en l'occurrence, après cette coupure dont vous parliez tout à l'heure. On est à partir du XIIIe siècle. L'avancée des verriers au niveau du Moyen-Orient leur permet de fabriquer des verres qui sont émaillés, colorés, dorés et qui plaisent énormément aux Occidentaux, qui les ramènent chez eux, les commandent. Mais à ce moment-là, on l'achète à la pièce et on le conserve dans un étui pour le de façon. C'est un verre de collection, c'est un verre très rare. Voilà, oui. Stéphane Palot, vous qui adorez le verre et qui travaillez à sa promotion, vous avez tenté justement de transporter du verre dans des hôtes, par exemple, pour voir si ça se casse ou si ça se casse pas, serait-ce pour faire une sorte d'archéologie expérimentale. Ah, j'ai essayé, effectivement. On croit toujours qu'en fait, on a besoin de tout emballer dans des beaux cartons, etc. Et en fait, quand vous mettez une hottée de verre, donc une hotte de Père Noël, ni plus ni moins, en osier, vous chargez les verres à l'intérieur, vous secouez un petit peu, vous bloquez et vous transportez. Bien évidemment, il y a de la casse, mais c'est déjà prévu dans le transport, que ce soit pour les bouteilles par la suite ou bien au départ les verres fins de service de table, on a prévu la casse, on a un pourcentage de perte déjà prévu. Mais il ne faut pas oublier non plus que le verre peut voyager très très loin. On sait que le nord de la France, par exemple, va fournir la région de Montauban, par exemple. Parce que ce qui n'est pas tout près. Oui, mais vous êtes le circuit de... Je vais chercher de l'huile d'olive, je ramène de l'huile d'olive, je ne descends pas à vide. Comme aujourd'hui, un routier ne va pas descendre à vide. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a un problème de taxation. Parce qu'on croit que tout circule comme ça. Mais non, il y a des taxes un petit peu partout. Alors, taxes dues à l'abbaye, taxes dues à Orléans. Vous avez en 1530 un panonceau qui indique que vous devez laisser ce qu'on appelle le droit de chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez laisser un objet en verre de votre cargaison pour taxe. Et tous ces objets, une fois qu'il en a assez, sont vendus pour rentrer dans les caisses des Orléanais, tout simplement. On écoute un extrait de Cosmotonie de Jacques Lasserie qui a été composé pour l'exposition universelle de 1958 sur les structures sonores des frères Bachet. Thank you. Un extrait de Cosmotonie de Jacques Lasserie, composé pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 sur les structures sonores des frères Bachet, le cristal Bachet, connu de toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions de musique dans les années d'après Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec vous, Sophie Lagabrielle, et vous, Stéphane Palaude, pour évoquer les chemins qui conduisent de la Méditerranée antique jusqu'à l'Europe occidentale au moment du Moyen-Âge, pour le verre, en l'occurrence. Quels sont les usages de ce verre au Moyen-Âge, puisque vous avez été commissaire de cette exposition sur ce Moyen-Âge inventif qui s'est tenu l'année dernière au musée de Cluny autour de du verre comme matière, Sophie Lagabrielle? Bien, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant parce que ça va évoluer au cours du temps. Si on prend au XIIe, XIIIe siècle, on a très peu de verres civils. On a surtout une principale cliente qui est l'Église et qui va donc commander des objets qui l'intéresse, ce seront essentiellement des lampes de verre. Alors on dit que les lampes de verre sont celles qui distribuent la plus belle lumière, la plus pure. Et effectivement, on ne trouve pas de lampes de verre hors de l'église. Donc c'est pour louer Dieu d'une certaine façon, c'est pour rendre hommage à Dieu. Oui, on va le mettre sur les autels, pour les cultes des reliques. Et il y aura un grand usage funéraire. Donc lors des cérémonies funéraires, on aura non seulement de la lumière, et notamment pour les membres de l'église, mais également des fioles. Et ces fioles, ce sont ce qu'on appelle des ampoules avec une panse très sphérique et un très long col. Et ces ampoules, on les retrouve dans les tombes. Jusqu'au XIIe, début du XIIIe siècle, on va les mettre dans les tombes et on pense qu'il y avait de l'eau bénite à l'intérieur. Donc on a un usage qui est d'abord celui de l'Église parce que c'est elle qui a la richesse. Au niveau des populations civiles, forcément ce seront les populations les plus nanties qui vont utiliser le verre dans cette période-là. Elles vont boire à l'ampoule effectivement. Et ces ampoules et le fait qu'il y ait un très long col va permettre de réguler le débit. Donc on va la boire directement à l'ampoule. Il n'y aura pas d'autres objets de verre, pas de gobelet encore, rien. Et on va répartir les ampoules sur la table et on en aura 2-3 pour 5-6 personnes, si hôtes ou autres. Et donc, on aura ces usages notamment au moment des rites communautaires, donc dans des banquets. Alors, on va les retrouver dans des forteresses, c'est le cas à Bourges, on va les retrouver dans les sites de châteaux et peu ou pratiquement pas du tout après, au-delà. Et quand on arrive au XIVe siècle, là, on sent qu'il y a un vrai boom économique. On va passer de l'ampoule à un verre en coupe avec un pied, puis ce pied va s'affiner et grandir, et on inventera les coupes. Nos coupes à champagne sont nées au XIVe siècle, donc on va les distribuer sur les tables des rois, par exemple. Il y a eu probablement un effet de mode à ce moment-là. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on ne le trouve chez le roi, pas du tout chez les particuliers, mais parfois on le retrouve très en nombre. C'est le cas à Avignon, à Saint-Denis, à Metz. On trouve très rarement du verre à l'époque du médiéval, et quand on en trouve beaucoup. Et on est probablement sur des sites de tavernes. En fait, on boit le vin de façon communautaire, en public, dans du verre. Et cela, cette laïcisation, pourrait-on dire, de l'usage du verre, parce que vous dites qu'au départ, c'est véritablement le privilège de l'Église, au cœur du Moyen-Âge, que d'avoir cet usage du verre, eh bien, c'est une particularité de la fin du Moyen-Âge. On pourrait dire, Sophie Lagabrielle, cette laïcisation, cet usage qui n'est pas dans un usage habituel de l'Église. Oui, effectivement, il faut comprendre le XIVe, fin du XIIIe siècle, XIVe siècle, comme une période où les civils vont de plus en plus prendre la main et devenir les clients principaux, obtenir la richesse et devenir des consommateurs. Oui, Stéphane Palaude, ça a des conséquences, j'imagine, sur le nombre des verreries, sur leur développement à la fin du Moyen-Âge. Et sur peut-être aussi une distinction du marché, il y a des verres de meilleure qualité, il y a des verres de moins bonne qualité, il y a ce qu'on appelle le gros verre. Comment peut-on qualifier justement cette distinction à l'intérieur d'un marché du verre qui se diversifie à la fin du Moyen-Âge? Alors, on n'en est pas encore au gros verre. Le gros verre est une dénomination qu'on va retrouver au XVIIIe siècle, véritablement. Mais sinon, effectivement, on va chercher... Alors, comme disait Sophie Lagabrielle, on va retrouver dans les grandes demeures princières de grands nobles locaux, par exemple, on va faire des verrières pour la chapelle, on va donc effectivement ça se démocratise. Vous aviez dit pourquoi l'Église, parce qu'elle a l'argent. C'est juste une affaire d'argent. Le verre, ce n'est pas l'objet que vous achetez couramment. Je veux dire, vous avez le bois, vous avez la terre, le verre, ça vient bien après dans les dans l'ordre des priorités. Donc effectivement, de plus en plus de verreries. Oui et non, puisque, vous savez, une verrerie, on a tort de croire qu'une verrerie, c'est comme une usine d'aujourd'hui. Elle est implantée quelque part et puis ça y est, c'est bon, on va avoir des milliers de personnes qui vont travailler. Non, en fait, ce sont des ateliers. Des familles. Et surtout, ce sont des ateliers. Et on a toujours cru au départ que dans les ateliers, on était très, très, très nombreux. On s'aperçoit aujourd'hui que pour fabriquer du verre de table, comme le disait Sophie Lagabrielle, ce verre fin, on peut être deux, ou voire tout seul. Donc, bon, c'était un petit peu plus court, mais on peut fabriquer l'objet, on peut être deux verriers sur un creuset, mais on peut fabriquer l'objet, on peut se passer d'avoir un aide, d'un servant, etc. C'est par la suite qu'on va augmenter le nombre de personnes pour augmenter les capacités de production. Oui, et il y a tout de même, d'après ce que j'avais cru comprendre, du verre de chantier, dit-on, et du verre d'atelier, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'aller à un endroit et de fabriquer du verre et puis ensuite de se déplacer, et d'autres qui s'installent définitivement dans un lieu, Sophie Lagabrielle. Oui, il y a cette question qu'on maîtrise moyennement, en fait. Pour fabriquer des cathédrales, on a toujours pensé qu'il y avait des verriers qui venaient, des ateliers qui s'installaient au pied des cathédrales. En fait, non, ce n'est pas possible. Pour un verre, gros verre, hein, au Moyen-Âge, on a le gros verre et le menu verre. Le gros verre, c'est le verre à vitre, et le menu verre, c'est le verre à boire, la petite vaisselle. Il est facile de déplacer une petite verrerie. Il est sans doute plus facile de déplacer une petite verrerie pour faire des verres à boire et des petits objets que de déplacer une verrerie pour faire une cathédrale. Enfin, voilà. pour faire les vitraux d'une cathédrale. Voilà. Là, il faut penser que ça n'est pas possible. Et puis, il y a une spécialité, c'est une technicité qui demande effectivement une même famille, un même site. Et on les voit pendant très longues années maintenir les mêmes sites en activité. Vous nous disiez tout à l'heure que le vitrail des cathédrales était en partie dû justement à cette incapacité de maîtriser des grandes surfaces de verre, et que le plomb servait justement à rassembler des morceaux de verre épars de plus petites dimensions. Ça, on est sûr justement de cette idée, c'est-à-dire que c'est parce qu'on ne sait pas maîtriser les très grandes surfaces de verre que l'on va inventer ce qui nous apparaît la marque même des cathédrales au Moyen-Âge, Sophie Lagabrielle. Le quantitatif a dû poser un problème à l'époque mérovingienne. Le verre manque, donc on va l'assembler avec des petits éléments, parce que c'est tout ce qui reste. Mais finalement, on va trouver le moyen d'en faire une belle composition colorée, puis figurative. Et puis on va inventer la peinture sur ce verre et on va avoir les premières verrières du Moyen-Âge. Stéphane Palaud, justement, sur ces questions de couleurs aussi qui vont avec ce qu'on imagine être la particularité du verre au Moyen-Âge pour les vitraux. N'oubliez pas que la couleur, on la connaît. Vous avez du cobalt, vous avez du bleu foncé, l'oxyde de cobalt, vous avez de l'oxyde de fer, vous avez du vert foncé pour les thèmes les plus courants. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui est blanc? Tout dépend. On est blanc à partir de quelle époque? Si le blanc pour au Moyen-Âge. Le vert blanc, vous voulez dire. Voilà, si le vert à vitre, est-ce qu'il est blanc? Il est légèrement verdâtre. Mais pour les contemporains, si toutes les fenêtres, tous les vitrages sont en vert légèrement verdâtre, c'est donc qu'il est blanc. C'est parce que nous, aujourd'hui, on regarde aussi avec nos yeux de ce verre extra clair qu'on a sur les vitrages automobiles, sur les surfaces d'immeubles. Qui sont des inventions très très récentes, en l'occurrence. Dans l'extra clair, oui, puisqu'il faut savoir quand même qu'il faut enlever un maximum d'oxyde de fer. Donc on connaît des endroits où on va utiliser des sables dont la qualité est reconnue, mais sinon, quand on a un gisement, on fait avec. Oui, Stéphane Palaud a raison. Au Moyen-Âge, il est plus difficile d'obtenir du verre blanc que d'obtenir du verre de couleur. Et les oxydes de colorantes vont permettre de pallier à ce défaut du côté verdâtre du verre. Et donc, en accentuant la couleur, on va faire autre chose, c'est-à-dire créer le vitrail en particulier. Oui, on commence par faire de la couleur et petit à petit, on va arriver au verre blanc. Champ de toile, belle douette à fenêtre, ce scier, une composition du XIIIe siècle, par l'ensemble Sequentia. Et moi Un extrait donc de Beldouette à fenêtre. Ceci est un morceau du XIIIe siècle, ici interprété par l'ensemble Sequentia. Nous sommes dans la Fabrique de l'Histoire sur le verre, une semaine consacrée au sable, avec nos deux invités, Sophie Lagabrielle et Stéphane Palaude. Il y a des endroits spécialisés, pourrait-on dire, dans ces questions de verre, et vous avez étudié l'un d'entre eux, la région, donc dans le nord de la France, de l'Avesnois-Thiérache. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là pour que on ait, au XIXe siècle, réinventé l'idée que la plus vieille verrerie de France vienne de là, alors que vous avez montré que ça n'était pas le cas, puisqu'on lui a donné une origine à la fin du XIIIe siècle, et que visiblement c'est plutôt au milieu du XVe siècle qu'elle naît, cette verrerie qui cangrogne. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe dans cette région pour que on ait cette spécialisation de cette région autour de cette question du verre? Alors simplement, la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, vous savez, le grand développement monastique, on a trois abbayes très réputées, et il y a beaucoup de terrains, des frichets, des cultures, mais avec la guerre de Cent Ans, on se resserre vers les zones où on peut se réfugier très rapidement. Et donc, vous savez, Cent Ans, ça veut dire le temps nécessaire pour rembosquier, donc transformer une terre en simple forêt. Et donc, les abbés, par exemple de Clairefontaine, et les abbés de Bussy, vont demander à des verriers de venir, parce que le verrier, ce qu'il a l'avantage, c'est qu'il brûle tout. Puisqu'il a besoin de fondant potassique. On transforme la terre en verre. On va transformer, alors pas la terre, l'espace. Tout le bois, et on va dessoucher. Et en dessouchant, on lave bien sûr, mais en dessouchant, on brûle la souche. Et donc on rend à la terre sa fonction primaire de terre nourricière par la culture, et le verrier, lui, permet de défricher à moindre frais. Et il se déplace parce qu'effectivement, on peut pas demander à des gens d'aller chercher le bois à des kilomètres et de le ramener jusqu'à la verrerie. Donc on va se déplacer, tout simplement. C'est pas bien compliqué, c'est pas l'usine d'aujourd'hui. On peut se déplacer sans trop de difficultés. Et puis par la suite, comme ça va faire effet boule de neige autour, puisqu'on va avoir à peu près entre 1466 et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, dans cette région-là, on va avoir à peu près presque une trentaine de sites au total. Ah oui. Et c'est incroyable, en fait, de voir que le bois est là. Il faut l'utiliser. On n'a pas de zone de flottage, on n'a pas de rivière, on ne peut pas l'amener dans les grandes capitales régionales. Ce qu'on ferait si on avait... Vous savez qu'on a quand même essayé de rendre flottable l'Oise pour faire ramener le bois de la forêt du Nouvion jusqu'à Paris. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une verrerie. Parce que ça rentabilise le bois. On défriche et ensuite... Fait une verrerie. Et après, le problème, c'est qu'une fois qu'on a défriché, on doit mettre le halte là. Parce qu'on doit dire, maintenant, il faut avoir des coupes bien, bien réglées. Quand on a récupéré toute la terre qu'on voulait, des coupes bien réglées, parce que sinon, le verrier, lui, peut continuer sans problème. Alors ça, c'est... Il y a une particularité dont on n'a pas parlé avec vous, Sophie Lagabrielle, c'est tout de même la transformation d'une matière en une autre matière, ce sable en verre, qui fait penser, selon vous, à d'autres volontés de transformer de la matière en une autre matière au Moyen-Âge, à l'alchimie. Il est vrai que les alchimistes ont eu un vrai rôle au Moyen-Âge pour le développement du verre, fascinés effectivement par cette matière et aussi par le fait que c'est un contenant et un contenant neutre. L'un des alchimistes médecins du roi au XIVe siècle, Arnaud de Villeneuve, dit que le verre est un très bon contenant parce que, effectivement, si on prend du cuivre, on verdit le contenu. Si on prend du fer, on le rouille. Donc, l'inaltérabilité du verre, la neutralité du verre va pousser ces savants, qui sont des savants, en fait, qui sont les ancêtres des chimistes et qui lisent les textes, qui relisent les textes antiques et arabes et qui retrouvent toute la spécificité du verre. Ils vont pousser finalement cette production. Ils vont amener à rechercher des verres pour contenir leur matière et notamment leurs eaux distillées. Et la distillation va amener le verre à se développer. On avait déjà le vin, et puis l'alcool à conserver, les eaux parfumées, eh bien on va prendre du verre, et les alchimistes, les médecins, les savants vont être ceux qui vont œuvrer à cet développement. Et la bouteille, ça n'est pas au Moyen-Âge, c'est plus tard, en l'occurrence. Alors on connaît des exemples de bouteilles, de fioles, on va dire, par exemple, à l'époque de la Renaissance, on en a très peu, et puis ensuite, alors on dit toujours, oui, on doit tout aux Anglais. On va arrêter de croire qu'on doit tout aux Anglais. En fait, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de fabrication. Donc, en fait, à partir du moment où on s'aperçoit qu'on peut stocker, enfin, déjà, débiter du vin en bouteille, parce que vous savez, quand un le tonneau est tiré, quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc en fait, à partir de là, on s'aperçoit qu'on peut le stocker et l'y faire bonifier. Mais évidemment, vous avez des particuliers et des riches personnes, des nobles par exemple, qui vont demander des bouteilles. Et donc on aura une quantité de bouteilles de plus en plus importante qui va être fabriquée tout au long du XVIIIe siècle. Mais ce qui est amusant, c'est que les verreries de Normandie, qui étaient obligées de fournir Paris, c'est une obligation légale, vont demander si elles ne peuvent pas fabriquer aussi des bouteilles pour fournir Bordeaux. Mmh. Parce qu'il y a un segment qui est très intéressant. Effectivement, une dernière question peut-être, Sophie Lagabrielle. Comment se fait le commerce international du verre, puisque j'imagine qu'à partir d'un certain moment, par exemple, ce fameux verre de Venise qui va devenir très célèbre, eh bien, il va commencer à voyager, il va commencer à parer les tables des souverains les plus prestigieux. C'est à partir de quel moment, Sophie Lagabrielle? Oui, on suppose que c'est à partir de la fin du XIIIe siècle, XIVe siècle, que les régions vont se spécialiser. La France du Nord, ce sera le verre plat, Venise et le reste de l'Italie, le verre creux, mais Venise va probablement fournir le plus beau des verres parce qu'il va le décorer, l'émailler, le poinçonner de petites pastilles. L'Allemagne, elle, va spécialiser dans le verre d'optique, dans les miroirs, dans les lunettes. Et il y a donc un commerce international du verre. Merci à tous les deux. Et puis, si on veut se dire aussi que le verre a quelque chose à voir avec le son, eh bien, on peut peut-être lire le livre Géographie de Léonard Dauphan, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui nous explique comment, eh bien, le paysage sonore a été transformé par la réinvention du vitrage, donc, qui coupe le son de l'intérieur, du son de l'extérieur, alors qu'auparavant, on avait des toiles enduites à nos fenêtres. Merci à tous les deux. Donc, merci à vous, Sophie Lagabrielle, et merci à vous, Stéphane Palaud, ainsi qu'à Yves-Marie Adrian, qui était avec nous au tout début de cette émission pour nous parler de l'Empire romain. Demain, on continuera à parler du sable, mais sous une autre façon, le sable du béton, avec le documentaire qui a été composé par Franck Thoraval et par Anne Fleury sur la réinvention du béton à la fin du 19e siècle, tout au long du 19e siècle, et puis avec une sorte d'acmé au tout début du 20e siècle. Un extrait de ce documentaire. Le ciment prong, lui, n'est pas gris. Il est couleur chamois, c'est-à-dire couleur pierre de taille, on peut dire, ou calcaire. C'est aussi le paradoxe, c'est qu'on part, alors que dans le ciment artificiel, bien souvent, on part de calcaires qui sont plutôt jaunes et on arrive à un ciment qui est gris, de par la jonction de fer. Eh bien, le prong, on part d'une pierre qui est plutôt grise et par la cuisson, elle va se transformer et devenir couleur chamois. Au 19e siècle, Guérin ne construit pas, on n'édifie pas au béton, en béton. Le béton, il reste un matériau du sol, horizontal. Il est sous terre. Les grands chantiers qui exploitent le béton à très grande échelle, c'est par exemple les canaux. Le béton armé, il va faire se dresser les ouvrages. C'est pour ça que l'équipement industriel va être le client principal, premier de ce matériau, parce qu'il n'a rien à faire de qualité visuelle, d'image, etc. Et que plus tard, les architectes s'en serviront. On va dans la crypte ? Allons dans la crypte. C'est ouvert, profitons-en. Alors ce qui est très très important ici, c'est ces colonnes, c'est-à-dire, ou plutôt ces piliers. Vous avez vu les piliers qui font 30 mètres et qui font 40-40. Donc on a un rapport au dimensionnement qui est extraordinaire. Et chaque élément que vous voyez ici, en partie haute, avec ce qu'il appelait des épines contreforts, c'est assez beau, ces espèces de poutres qui s'entrecroisent, sont là pour raidir, épauler, structurer, renforcer ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 8 fils de poteaux qui descendent de fond en comble. Donc c'est une véritable structure, et ce qui est intéressant aussi pour un rationaliste, pour un architecte rationaliste, c'est de donner à voir la structure dans sa nudité. Et l'idée, ce serait que la beauté viendrait se lever dans la raison, dans la rationalité. Et c'est exactement ça. Anatole de Godeau, c'est quelqu'un qui y croit. We'll be right back. Voilà donc un extrait de ce documentaire sur la réinvention du béton qu'on pourra entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire, signé Franck Thoraval et Anne Fleury, sous le titre de toute cette semaine, puisque rien ne dure en l'occurrence, titre choisi pour cette histoire du sable. Et bien sachez évidemment que tous ces architectes du 19e siècle ont pensé justement que le béton pouvait durer très très très longtemps. On sait que ça n'est pas vrai aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Frédéric, c'était à la technique avec nous aujourd'hui, et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous, comme vous faites chaque jour, sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.